émission avec François Hardy qui nous interprète Soleil, c'est le moment ou jamais. Parce que je crois qu'il va cogner cet après-midi. Personne ne m'aime, mais

interprète, on change de musique, on change de tout, avec Albert Préjean, et ce sera Dédé de Montmartre. Honorine, viens sous les palétuviers. Sous les palétuviers? Oh, vous en avez de ces mots. L'amour se fruit défendu, vous est donc inconnu. Oh, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril. Non, je ne l'ai jamais vu, jamais vu ni connu. Le temps perdu. Oh, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers se font affatiguer, je veux bien essayer. Oh, viens sous les pas. Je viens sous les pas, je te suis de ce pas. Ah, suis-moi, veux-tu. Je te suis, ma petite, sous les deux palétuviers. Viens, mon sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Oh, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends moi sous les pieds, aimons-nous sous les pieds. Oh, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor, mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser. Ah, Bertie, je m'éblouis, ah, mais c'est exquis. je vais être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas mon mépris, car je suis très mignonne. Mon cœur est tout en tabac, je te donne au mon roi, mon corps au fond des bois. Oh, viens sous les pas. Je viens sous les pas, je te suis de ce pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je te suis pas têtu sous les pas, balai du. Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les pas des tuviers. Ah oui, sous les pas, oh, je te veux sous les pas, je te veux sous les palais tuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends moi sous les pieds, aimons-nous sous les pieds. Si je comprends bien, tu me veux mon chien, sous les grands palais. Fais comme l'oiseau, et l'oiseau vole, bien évidemment, Michel Fugain. Ah oui, il y a de l'ancien, il y a du nouveau, entre les deux. Continuer, bien sûr, pourquoi pas, on va continuer avec Guylaine Laure, Dessous de Violette. Dessous de Violette, pour de rond, ça sent bon, ça ne vous monte pas à la tête, c'est bien le même. Des lys, des orchidées, des fleurs toutes tarabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi les fleurs, j'ai toujours aimé sont celles qu'on achète dessous. Vous êtes mon bonheur et mes peines, vous êtes mes amours, mes petites sœurs qui n'ont pas eu de peine, c'est vous que j'aimerai toujours. Dessous Dieu l'a deux, pour de rond, ça sent bon, ça ne vous monte pas à la tête, c'est bien de On continue, pardon, on continue avec Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser. avec une chanson bien évidemment et ça s'appelle « Oh Maria » par Guylaine Laure, accompagnée par son mari, à l'accordéon Jean-Yves Duchesne. « Oh Maria ». Oh Maria, je vous voici. Mes souvenirs d'amour, je revois l'instant si doux, tous deux assis sur le vieux banc de pierre. Tu sentais bon notre bruyère. Je me suis mise à genoux comme on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Assis sur le vieux banc de pierre, tu sentais bon notre bruyère. Je me suis mise à genoux comme on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Un jour pour chercher fortune, lui s'établit à Paris, voulant décrocher la lune afin de construire un nid, rêvant à sa belle qui l'attendait là-bas. Un air de chez lui résonnait comme un glas. Oh Maria, quand je danse avec toi, Maria, cette valse au soleil, mes souvenirs d'amour. Sur le vieux banc de pierre, tu sentais bon notre bruyère. Je me suis mise à genoux comme on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Oh Maria, cette valse avec toi, Maria, chantons sa ritournelle. Je t'aimerai toujours. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Avec Michel Delpech pour un flirt. Dans quelques petites secondes. Entre tes bras, pour petit tour au petit jour entre tes draps. Là, il n'y a pas beaucoup de marrons, et puis ils pourraient cuire au soleil. Avec Guy Lenoir. On devient un vilain, pour un Ah, c'est quand même, c'est le titre de la chanson qui suit, et c'est Beauville. Vous êtes belle, donc. Mademoiselle, vous êtes celle dont les yeux sont les plus beaux. Ils me ravissent, ils me réjouissent. Ils sont bleus comme le ciel quand il fait beau. Bleus comme le ciel quand il fait beau. S'il pleut. S'il pleut, ben, ils sont bien bleus quand même. C'est pour ça que je les aime. Car avec des yeux bleus, on doit voir en bleu, c'est sûrement beaucoup mieux. Je voudrais avoir les mêmes pour la seule que j'aime. Et les yeux dans les yeux, on deviendrait vieux, on en verrait que bleu. Ah, ah, ah, ah. Ma jolie blonde s'appelle Edmond et sa blondeur est merveille. C'est une blonde unique au monde. Ses yeux sont blonds comme les blés au soleil. Blonds comme les blés au soleil. S'il fait nuit aussi. S'il fait nuit, ben, ils sont bien blonds quand même. C'est pour ça que je les aime. Des beaux cheveux de là et qui frisent un brin, ben c'est ça qui se vient. Je voudrais avoir les mêmes pour la seule que j'aime. On se passerait un peu la main dans les cheveux, il me semble qu'on serait heureux. Ah, ah, ah. Son cœur s'enflamme, c'est une femme, tout comme un porno qui brûle. C'est formidable, c'est incroyable, son cœur est aussi chaud que la canicule. Aussi chaud que la canicule. Oui, mais si il gèle. Si il gèle, ben, il est bien chaud quand même. C'est pour ça que je l'aime. C'est comme un petit volcan qui fuse tout le temps. Il doit faire chaud dedans. Je voudrais avoir de même pour la cellule que j'aime. Avec un cœur brûlant, j'aurais bien souvent le sentiment très grand. Ah, ah. Et c'est Michel Thor maintenant qu'on écoute. Aujourd'hui ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal, tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. Oh, je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour, et puis t'embrasser ton fauteuil. Cigarette et la télé. Ce soir, laisse. continue avec un peu d'accordéon. Et ce sera Guillaume Gentil que j'ai invité déjà au moins deux ou trois fois à Radio Arc-en-Ciel. Malheureusement, en ce moment, on a un peu privé des invitations, même beaucoup. Il nous interprète la valse des As. Pas sans se dire adieu. Ce n'est pas ta faute, je le sais. Je sais tout ce qui allait se passer, allez. Ton tout ce qu'il a pu te dire. Tes études à finir, ton service, ton avenir. Et puis cette fille n'est pas pour toi. Aujourd'hui tu es heureux. Tout est bien qui finit bien quand. Mais qu'est-ce que j'ai pu t'aimer toi. J'avais 16 ans. David Marshall. Besoin d'un ordinateur qui dit. Seconde. David Marshall. Évidemment, c'est l'histoire de Berlaudio avec le Beg. C'est l'hymen. Voici donc David Marshall. C'est l'hymen. C'est l'hymen. A ding ding ding. Ha ha ha. A ding ding ding. Ramaya. Ramaya. Bien sûr, avec affection. Guillaume Gentil, un tango, le tango séduction. Thank you. continue, bien évidemment, je ne fais pas de dédicace le lundi, comme d'habitude, j'ai pas changé. Et on va écouter quand même, je sais que ça fait plaisir à certaines personnes, Marc Michel, Un songe avant l'aurore, pour une fois que j'y pense. Marc Michel. J'ai fait un doux songe agréable. Cette nuit j'ai rêvé de toi. La nuit qui m'était favorable m'avait conduit auprès de toi. Si je pouvais t'y voir encore, combien mon cœur serait content. C'était un songe avant l'aurore. Dieu, que ce rêve était charmant. Nous étions au fond d'un bocage où l'amour nous avait conduits. Le vent chantait dans le feuillage. Le jour faisait place à la nuit. Et pour les amateurs de valse de Vienne, voici François Feldman. Ah.

mal, c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Qu'elle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas dans la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Cascade près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Qu'un jour notre amour est né. Qu'un jour notre amour est né. Et on continue avec l'accordéon de Christophe Demerson. Ça vous rappelle quelques souvenirs, hein? Petite revue régionale, j'ai paru chez mon marchand toujours. Il faut donc que je me lève tôt. Je vais enfin pouvoir découvrir maintenant ce qu'ils ont à dire. Les paroches, les radios, les infos, je trouverai tout ce qu'il me faut. L'accordéon de nos régions, c'est le bonheur. En Alsace et du Nord à nos gens, à tout il y a des abonnements, à ce bouquin qui nous manquait tant. La musique, ça fait vibrer les cœurs, cette revue nous donne tant de bonheur. On est comme des gamins impatients. Raconte, et c'est une histoire vraie, que le premier magazine de l'accordéon de nos régions a été créé par Christophe Demerson à Nevers. Il a vendu son titre après à Accordéon et Accordéoniste, qui malheureusement est disparu aujourd'hui. Donc sur l'accordéon, je ne crois pas qu'il s'est été remplacé. Marc Michel, encore une fois, ce sera la dernière d'ailleurs, pour aujourd'hui. Mon étoile d'amour. Toi, mon ange gardien, mon étoile d'amour, qui depuis le début m'accompagne toujours. J'ai envie de chanter, de te parler encore. La vie est un bonheur, et c'est toi la plus forte. Quand le soir nous arrive et que tombe la nuit, je te vois arriver doucement et sans bruit. De ce beau maman, pour moi tu es la reine, belle étoile d'amour, viens apaiser nos peines. Toi mon ange gardien, mon étoile d'amour. qui depuis le début m'accompagne toujours. J'ai envie de chanter, de te parler encore. La vie est un bonheur et c'est toi la plus forte. Les poètes ont chanté depuis la nuit des temps, toi qui nous fais rêver. Et le disent souvent, continue de briller et de nous inspirer, éclaire notre nuit, fais-nous voir ta beauté. Toi mon ange gardien, mon étoile d'amour, qui depuis le début m'accompagne toujours. J'ai envie de chanter, de te parler encore. La vie est un bonheur et c'est toi la plus forte. Rassure-nous encore, car toi pour qui le temps n'a jamais eu d'emprise, dès le commencement que je te vois encore, encore très longtemps, mon étoile d'amour, je suis là, je t'attends. Toi mon ange gardien, mon étoile d'amour, qui depuis le début m'accompagne toujours. J'ai envie de chanter, de te parler encore. La vie est un bonheur et c'est toi la plus forte. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et on continue avec Marcel Amont, le Mexicain. Dans deux secondes. Vamos a cantar la canción del mexicano del tiercé de la cantoneta. ¡Uy! Madre mía, qué calor, ¿eh? Vamos a cantar la canción del mexicano. Mañana, ¿eh? Soy cansado, hombre. ¡Uy! De México, dicen los que. La etiqueta, ¿eh? Aquí. ¡Uy! Combien de temps je peux faire? ¡Uy! Dis-moi, si no hay. ¡Uy! Un Mexicain basané, allongé sur le sol, sombrero sur le nez. Anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise de parasol. Il est pas loin de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'ai sommeil. L'existence c'est un problème à n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail. Mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai une soif d'itonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un air en trois coups de dé. Je ne vois que des pochers tout autour de moi. Et d'ailleurs, ils ont l'air de tricher aussi bien que moi. Et pourtant, chez le cosier, comme du buvard, ça m'arrangerait vous grandement s'il pouvait pleuvoir. Un Mexicain basané allongé sur le sol, sombrero sur le nez. Anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, anguise, le parasol. Oui, oui, oui. fit venir triste au bal, mon Dieu, qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier. Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui, dit Pesos, et s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. On voit partout des soldats courant dans les rues. Si vous ne vous garez pas, ils vous marchent dessus. Et le matin, quel boucan sacré nom de nom, ceux qui sont énervants, agaçants, avec leurs canons. Ça devrait être interdit, un chahut pareil à midi, quand il y a des gens sapristes qui ont en sommeil. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, sombrero sur le nez. Anguise, allez coucher, allez coucher. Le Mexicain avec Marcel Amon, on écoute maintenant l'accordéon de Roger Si, notre ami Roger, qui malheureusement nous a quittés. C'est la nuit des troubadours. Professeur Demerson, maintenant, nous emmène à Vienne. Aimer, boire et chanter. De Johann Strauss. C'est comme des lascars. Quel plaisir. plaisir de se revoir. La gambie, c'est bon pour la santé, et on va en profiter. Farandole et musique à gogo, les deux pieds partent dans le même sabot. Et tant mieux si le bal finit tard, c'est un plaisir. On continue maintenant avec un petit hommage, un petit coucou, si j'ose dire, pas un hommage, mais un coucou, à notre ami Roger qui nous a quittés il y a quelques années. On écoute Guylaine Laure et son mari Jean-Yves Duchesne à l'accordéon. Et c'est bien sûr l'étoile du troubadour. Minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On continue avec Guylaine Laure et Jean-Yves Duchesne. Et ce sera cette fois-ci Jolie Manière. Autrefois dans son petit moulin, il était une jeune meunière. Elle avait un sourire câlin, le teint rose et les cheveux de lin. Elle avait pour voisin de berger, et le soir au bord de la rivière, sans jamais accorder un baiser, elle aimait les entendre chanter. Jolie manière, aux yeux si doux, quelle chaumière préférez-vous? Jolie manière, décidez-vous, ou pour Jean-Pierre, ou pour Jean-Loup. Tous les deux la pressaient de choisir, mais le jeu amusait la meunière, qui pour mieux aiguiser leur désir, se plaisait à les faire souffrir. J'ai donné tout mon cœur à Jean-Pierre. À Jean-Pierre, elle dit calmez-vous. J'ai donné mon amour à Jean-Loup. Et partit vers les pays lointains. La meunière en son petit moulin s'enferma pour la vie tout entière. Et le temps poursuivant son chemin vit d'argent ses beaux cheveux de lin. Jolie meunière aux yeux si doux, l'amour sur terre vaut mieux que tout. Jolie meunière, tant pis pour vous. Adieu Jean-Pierre, c'était donc Jean-Yves Lafesse qui accompagnait son épouse Guylaine Laure. Quelques instants avec Erika, la princesse belge de l'accordéon. À 16h30, vous avez rendez-vous avec Francky pour son émission After Work, après le travail. Je ne sais pas si Francky est là, je n'ai pas de nouvelles. De toute façon, je vous laisse en compagnie de RDP en direct du Portugal. Et on se retrouve bien sûr dimanche, 13h15h30. L'accordéon de nos régions. écouter successivement l'Amérique, Pretty Woman et tout nu, tout bronzé. Ce temps-là, ça va. Et on écoute, avant de se séparer, Sainte Rita par Gyllenhaal. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière là devant toi. Cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dimanche prochain de 13h à 15h30 pour l'accordéon de nos régions et l'accordéon musette. La grille des programmes provisoires continue. Et on va donc se quitter en vous souhaitant une bonne semaine, bonne soirée d'abord, une bonne semaine. Et puis profite bien du beau temps. N'attrapez pas un chaud refroidi, comme disait mon grand-père, parce que vous seriez fortement malade. Restez bien au coin du feu. On ne sait jamais si des fois le temps changeait. On va écouter une dernière chanson de Gyllenhaal, peut-être, oui. C'est possible. Alors j'ai l'information, Francky sera là donc pour 16h30, le début de son émission After Work. On ne voit pas le temps, on passe sa vie pour ses enfants. Quand on est maman, on pleure bien souvent, puisqu'un rien suffit à vous ronger le sang. Quand on est maman, qu'il était bon le temps. Les vacances arrivaient, la mer, les pâtés sur la plage dorée, et les rires et les chants que chante une maman. Horas no continente e na Madeira, duas nos Açores. E vamos conhecer os destaques desta edição. Portugal entrou numa nova fase da pandemia que exige uma reflexão coletiva, admite o governo. Em 24 horas registaram-se mais 4 mortes e 613 novos casos de contágio. Sobre a enchente em Fátima, o governo espera que a peregrinação em outubro seja mais bem prevenida. O presidente